C'est la chronique de la Ligue de hockey junior du Québec avec Well, qu'on peut suivre sur Paramount, Paramount, le site internet. C'est ça, Well, ParamountHockey.com. ParamountHockey.com. Donc, Well, considérez-vous comme salué? Oui, c'est réciproque. On va commencer tout de suite avec la question que j'ai posée hier à Michel Germain, le descripteur des matchs océaniques. Parce que là, tout le monde veut Alexis Lafrenière. tout le monde veut Alexis Lafrenière. Et il y a toutes sortes de messages, on perd pour Lafrenière, c'est le nouveau slogan. Toi, là, Alexis Lafrenière, selon ce que tu le connais, là, il était à quoi assez dur pour évoluer à Montréal puis évoluer dans le marché de Montréal? Je vais te répondre d'une façon qui est très personnelle, mais compte tenu du marché montréalais, je pense qu'il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale qui a la couenne assez dure. Okay. Je ne sais pas où tu me suis, là. Ouais. Dans le sens où c'est devenu un zoo monumental joué pour le Canadien. Donc, je me dis que ça devient même plus un argument. Dans le sens où chacun des 20 joueurs qui vont être dans le line-up pour le Canadien, au Centre Bell ou même en dehors, va vivre cette pression-là. Donc, tant qu'à ça, arrêtons de jouer avec ce genre d'argument-là, puis faisons juste repêcher les meilleurs joueurs. Même au niveau des transactions, allons chercher les meilleurs joueurs, en arrêtant de se dire, il va-t-il être capable d'endurer la pression à Montréal, parce qu'il y en a trop de toute façon de la pression à Montréal, fait que tous les joueurs vont avoir de la misère à gérer cette pression-là, ça va être de pire en pire avec cette mauvaise évolution des médias sociaux, ouais. Si je peux me permettre de dire. Donc, mais on parle de Montréal, tu dis que c'est le zoo, mais jouer pour les Yankees, c'est la même affaire. Jouer pour en Europe, jouer pour au soccer avec Manchester United, c'est la même affaire aussi. C'est le zoo aussi, la FC Barcelone et ainsi de suite. Là. C'est le zoo aussi, là. Tu sais quoi la différence majeure, Danny? Ouais. C'est que dans ces villes-là que tu viens de nommer, là, puis c'est des Christie de grosses villes, il y a d'autres équipes majeures. Tu comprends-tu? Ouais. Le problème avec le Canadien, c'est que c'est la seule équipe majeure. Mettons, tu sais, j'inclus les quatre sports professionnels, les quatre gros sports. J'inclus pas l'Impact parce que la MLS n'est pas encore à ce niveau. En expansion. Exactement. Ouais. Puis un jour, je pense qu'on va pouvoir inclure la MLS parmi les cinq grosses ligues. Mais pour l'instant, il y en a quatre. T'sais. Évidemment, on parle des ligues majeures de baseball, de la NFL, de la NBA, puis de la NHL. Puis là, tu as une province au complet. Ouais. Qui carbure à une seule formation de sport professionnel. Donc, il n'y a pas de. Les fans ne sont pas dilués. Les fans ont été habitués à juste aimer ça. Juste aimer un sport, juste aimer une équipe. T'sais, avant, il y avait les Nordiques. Donc, au moins, il y avait une division qui se faisait. Il y avait une rivalité. Il y avait des conversations. Il y avait de la comparaison. Puis là, il n'y a plus rien. Là. C'est la pire affaire qui est arrivée aux Canadiens. Absolument. Je suis 100% d'accord avec toi. La perte des Nordiques, parce que quand. Écoute, Serge Chavard, il l'a dit souvent, Serge Chavard, premièrement, moi je voulais pas voir un Québécois à Québec, et on boycotte la Ligue de hockey, on boycotte pas, mais c'est tout comme la Ligue de hockey junior du Québec, et il n'y a plus cette pression de gagner. Pas sûr que les Nordiques se seraient performants, je suis pas sûr que le Canadien se grouillerait pas plus que ça. Là. C'est évident que ça jouerait, surtout dans le moral de Jeff Molson, tu comprends-tu? Parce que j'ai l'impression que la mèche serait probablement moins courte avec, par exemple, Bergevin, avec Claude Julien. Présentement, ce que tu vois, une victoire, 8 défaites, une défaite en prolongation lors des 10 derniers matchs. Si les Nordiques avaient actuellement une fiche de 6 victoires, 4 défaites dans les 10 derniers matchs, ben là, peut-être que Claude Julien sauterait, tu comprends-tu? Ouais. Mais là, comme tu dis, on n'a plus cette pression-là parce qu'on se dit, Chris, le Centre Bell, il est plein anyways. Nice. Ça, je trouve ça triste. On a pris les partisans pour acquis. On a pris les médias pour acquis. On contrôle pratiquement tout ce que les médias vont dire. Écoute, moi, j'ai essayé longtemps, Danny, tu le sais, de me battre à contre-courant avec les médias. Ouais. Seul dans mon petit monde. Puis la triste réalité, c'est que ça fonctionne pas. Tu sais, il y a des gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Mais me battre contre TVA Sport, me battre contre RDS, ça fonctionne juste pas, c'est impossible, tu sais. Fait qu'une année, les gens arrêtent de se battre, donc c'est un seul refrain qui est présenté sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, peu importe. Donc là, ce qu'on voit, ce qu'on commence à voir pour une des rares fois, puis moi je suis d'accord avec ça, pour une des rares fois, parce que le Canadien n'a jamais accepter de tanker, de perdre volontairement si on veut, ou involontairement, ou incalculé, ou peu importe comment tu vas nommer ça. Parce que pour la première fois depuis 2003, le premier overall sera un Québécois. Donc, tu sais, s'il y a une année où que le Canadien doit perdre, Christy, c'est là, là. Ouais, mais je veux, mais il va y avoir moins de bouliers parce que Detroit, ça va être dur rattraper de se faire rattraper par Detroit, là. Ben, tu sais, on disait ça de l'Avalanche qui est Ouais. parti de 1 à 4. Ouais. Je te dirais, si tu es dans le top 5, tu as des chances de créer quelque chose. Puis même ça, tu sais, Quinton Byfield à Montréal, on va le prendre. Ouais. Puis les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, les Sénateurs, ils ont encore plus de chances que les Canadiens. Les Sénateurs, ils ont choisi des Sharks San Jose aussi, là. Tu vois-tu Lafrenière avait dans l'uniforme des Sénateurs? Tout près tout près Ben, de Montréal. honnêtement, Ils ont tu tout. sais, si tu me demandes à moi, là, j'aime mieux le Sénateur que le Canadien. Donc, tu sais, si tu demandes, tu sais, moi j'ai deux chaises. Tu sais, je suis well dans la vie de tous les jours, qui regarde le hockey, puis je suis l'analyste sportif. Tu comprends-tu? Ouais. L'analyste sportif aime bien le Canadien parce que ça demeure un peu mon travail, puis tout. Mais moi, au niveau personnel, j'aime pas le Canadien parce que je suis un fan des Nordiques, je suis un fan des Bruins. Fait Ouais. parle-moi pas du Canadien, tu sais. Fait que de voir Lafrenière, si tu me demandes mon avis, là, du gars personnel, j'aime mieux voir Lafrenière dans le saut des Sénateurs parce que, d'un, il va avoir moins de pression. De deux, je trouverais ça tellement cool pour les Sens parce que c'est une équipe qui est en péril, les Sénateurs d'Ottawa. On n'est pas garanti à 100% que cette équipe-là va demeurer à Ottawa. Mais ils ont des Et bons jeunes, par exemple. Ils ont ils peut-être ont des encore. bons. Ils ont des meilleurs jeunes que le Canadien encore. Tu sais, Absolument, mais là, Canadien. ajoute Lafrenière à Chabot et à Brady Tkachuk. Cette équipe-là va rester à Ottawa, c'est sûr et certain. Fait que pour ça, je te dirais que, tu sais, Lafrenière dans un marché canadien, ce serait génial. Génial, génial, génial. Il n'y en a pas beaucoup, là. Je regarde le classement actuellement. Il y a juste, ben, il y a peut-être Vancouver qui pourrait glisser, peut-être les Jets. Mais actuellement, il y a juste les Sénateurs ou le Canadien Ils ont le choix des Sanos, des Sharks aussi, faut pas oublier ça, là. Ouais, exact. Fait que là, il y a, tu sais, dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les Sénateurs auraient deux chances sur 7 de gagner la loterie, là. Évidemment, c'est sans les pourcentages, mais dans les 7 premiers, les Sénateurs sont là deux fois. Ah ouais. Donc, puis en tout cas. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça va faire parler. Tu t'attends-tu à des grands mouvements personnels chez les Canadiens? J'espère qu'il va y en avoir. J'espère qu'on va passer Price. J'espère qu'on va passer Weber. Ben Price, là, Price, Ouais. oublie ça, c'est impossible. Son Ouais, tu contrat coupes son est contrat, ouais. inéchangeable. L'erreur a été faite à ce niveau-là. Puis c'est une erreur qui va coûter cher tellement aux Canadiens, autant monétairement que dans le reste. Dans le sens où un gardien, je comprends le rôle d'un gardien. Puis je comprends le fait que si ton gardien n'est pas bon, tu vas perdre jusqu'à un certain point, là. Je pense qu'un gardien dans le marché actuel devrait pas gagner plus que 7 millions. Ah Puis surtout ne pas avoir une clause de non-échange, puis d'avoir des gogosses comme ça, parce que ça demeure la position la plus tricky. Parce que d'un, il y a des blessures, de deux, c'est une question de confiance, beaucoup la job de gardien de but. Tu sais, il y a cinq joueurs sur la glace. S'il y en a un des cinq qui connaît pas une bonne soirée, ça passe Ouais. mieux que quand ton goaler est tout croche, tu vas perdre. Puis La là, réalité, c'est ça. la mode est rendue à quasiment deux gardiens de but, là. Ben exactement. Fait que là, Ouais. qui va payer un goaler, c'est quoi, 10 millions pour Price? Ouais. Ben, Il est là, sur c'est un le. tout. Écoute, hier, j'écoutais l'émission Jazz avec Gaston Therrien, puis l'animateur, il demandait qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pour Carey Price? Puis Gaston Therrien, il a répondu un choix de première ronde, deux joueurs établis, puis le gardien de but qui go pour Ben non, l'équipe. ben non, ben non, ben non. Hey, ça me T'sais. fait tellement plaisir de dire que Gaston a tort. Ouais. Je suis tellement content, j'aime ça dire ça. Non, écoute, la réalité, c'est pas ça. Quand Carey Price avait 23-24 ans, puis qu'il était vraiment il s'enlignait pour son pic, puis que c'était un no-brainer, comme tu sais, c'était le premier goaler du Canada aux Olympiques, puis c'était le meilleur goaler de la Ligue nationale, puis on lui donnait pratiquement le Vézina à l'aveugle. C'était le gars de confiance du Canada. Tu sais, c'était vraiment le no-brainer. Puis il n'avait pas signé ce Christie de gros contrat dégueulasse-là. Ben là, tu aurais pu avoir un bon choix de première ronde, puis deux joueurs établis, puis un gardien. Là-dessus, je rejoins Gaston. Mais plus aujourd'hui. C'est une réalité qui est différente. Je prends une équipe, par exemple. Je sais pas, moi, les Bruins de Boston décident, eux autres, qui en ont ras-le-bol de tout carrasque, qui veulent Carey Price. Ouais. Ben, qu'est-ce. Je suis même pas sûr que tu vas avoir Charlie McAvoy contre Carey Price, tu comprends-tu? Non, non, non. Puis, C'est à ce niveau-là, là. C'est sûr que si on paye une partie du contrat, ça pourrait changer, mais quand Oui, même. ce serait la seule façon, mais encore là, Carey Price va vouloir décider de son avenir. Ouais. La grosse erreur qui a été faite, c'est Carey Price qui l'a faite lui-même, c'est qu'il aurait dû faire comme John Tavares a fait. Carey Price, c'est un gars qui est natif de la région aux alentours du Ouais. BC, dans le Ouais. coin de Vancouver. Ce que Carey Price aurait dû faire dans ce temps-là, c'est faire comme Tavares, puis dire, écoutez, le Canadien, je suis désolé, merci pour tout, mais je m'en vais signer avec les Canucks, je vais me rapprocher de ma famille, je vais être bien là-bas, moins de pression. J'ai pas dit qu'il irait pas à Seattle, pardon. Ben, ce serait quasiment, tu sais, avec Primo qui arrive, ben, ça serait pas une mauvaise chose pour le Canadien de ne pas protéger Carey Price. Encore là, est-ce que Seattle, ben, je veux dire, ce serait une christie de bonne question à poser au prochain directeur général de Seattle parce que t'amorces une expansion avec Carey Price, quand même cool. Ouais, puis t'as un plancher à atteindre aussi, là. Ah, exact. C'est vrai que T'as un ça serait plancher à pas atteindre sur le une mauvaise 4, là. théorie que t'amènes là, j'aime ça. Ouais. Well, on va parler des Sags, si tu veux. Les Sags qui sont dans les Maritimes avec le nouveau joueur, donc ça va être intéressant. Yannick a pas mal de pression. Il a vidé pas mal sa banque de choix repêchage. Donc, on y va all-in cette année. Ben absolument, on s'en était parlé d'ailleurs Ouais. avant la période des transactions. Puis, je t'avais dit à ce moment-là que c'était l'année pour se mettre all-in pour Yannick. Dans ma tête, il y avait une certitude qui me disait que Yannick en était rendu là. Tu sais, je pense que c'est sa cinquième ou sixième saison avec les Sags. Raphaël Harvey-Pinard comme capitaine, joueur de 20 ans, un gars local qui vient de gagner. Je me disais qu'il y avait trop de facteurs pour ne pas y aller. Ce qui me boguait à ce moment-là, c'était la blessure à Hendrix Lapierre qui est un peu inquiétante encore quand même. J'aime ce que Yannick a fait. Est-ce qu'il aurait pu en faire plus? Peut-être. Mais je pense qu'il a bien fait de s'arrêter là parce que il y a quand même une partie d'avenir à jouer aussi. Ouais. Boudrillard, C'est tu le connais-tu? Est-ce que c'est un bon défenseur? C'est-tu le défenseur top 4 qu'on voulait être? J'ai pas compris le nom, là. Boudrillard, le défenseur qu'on a acquis de Val d'Or. C'est-tu le Ben, de. c'est pas un mauvais défenseur, mais tu sais, il y avait beaucoup au début, le hot topic, c'était Justin Bergeron Ouais. qui était échangé à l'Océanique. Tu sais, Boudrillard, c'est pas Bergeron. Fait OK. que techniquement, c'est un downgrade pour Yannick, mais tu devais absolument, absolument, absolument modifier cette défensive-là. Ça, c'était un no-brainer. Pour moi, c'était clairement ben, en fait, pour tout le monde, hein. C'est clairement la lacune des Sags. Puis au moins, en tout cas, on a ajouté un défenseur qui est quand même un bon défenseur, soyons conscients. Mais est-ce que, tu sais, 21 points en 35 matchs, oui, c'est bon, mais moi, ce que j'aime, c'est le 19 ans. Ce que j'aime, c'est qu'avec les Foreurs, c'est un défenseur qui a une fiche de even. Tu sais, il n'est pas à moins 1, il n'est pas à plus 1, il est à 0. Donc, j'aime la stabilité qu'il va amener sur la glace. Puis, c'est con, là, mais ce que j'aime de Boudria, c'est qu'il arrive de l'école de Châteauguay, qui est une bonne école de hockey dans la Ligue Midget 3. Il a passé par Rimouski, il est à Laval d'Or. Tu sais, il y a un bon bagage de hockey. Puis ça, je pense que les Sags vont l'utiliser. Oui, à ce moment-là, ça devient un top 4, là, à mes yeux, c'est sûr. OK. Hey, on va revenir sur la victoire du Canada. J'ai eu André Tourigny cette semaine en entrevue. Il m'a dit en affaire, c'est le mot résilience. Il faut parler de la résilience, hein? Ce match-là, pour vrai, là, je me suis amusé, j'en ai parlé beaucoup évidemment sur les médias sociaux, puis j'invitais les gens à inverser les rôles. Imagine si le Canada avait mené ce match-là en troisième, puis que Hey, les ce Russes serait étaient revenus pour gagner avec 3 buts comme ça. Imagine le chaos. Ben, ça aurait été un peu comme en 2003 avec Marc-André Fleury, l'erreur de Marc-André Ah, Fleury. ça, exactement comme face aux Américains, ça, Ouais. mais je me disais. À quel point les Russes, c'est comme de la game, tu sais, c'est de la malchance de. C'est pas la première fois que ça arrive pour les Russes, là. Non. Ça fait plusieurs fois que c'est un pays qui panique. C'est des joueurs qui sont parfois trop individualistes. Puis, tu sais, en fin de match, on dirait qu'il y en a tout le temps un de la gang qui veut jouer les héros, puis qui va tricher, puis qui. Tu sais, en termes de hockey, on dit loafer, là. Ouais. tu sais, il y a toujours un petit bémol. Les Russes, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Puis, my God, que j'étais fâché en début de troisième parce que je me disais, ça n'a aucun sens de perdre ce match-là de cette façon-là. Puis Christian, en clignant des yeux, c'était 4-3. Ouais, ouais, ouais, c'était un match de fou pour vrai, mais tant mieux. Écoute, j'étais content dans un sens parce qu'on avait fait nos prédictions ensemble avant le tournoi. Puis, tu sais, j'avais, pas dans le même ordre, là, mais j'avais, du moins, en tout cas, c'était pas si mal mon affaire. Parce que ça a été un tournoi très, très bizarre, pour être honnête. Il y a eu beaucoup de surprises. Ben, les Américains, c'était une surprise. Moi, je pensais pas qu'elle allait là, mais tu l'as mentionné durant le tournoi, Scott Sandelin a très, très mal géré le club. Là. C'est carrément, carrément. Puis c'est exactement ce que j'avais écrit dans un texte avant le tournoi. Scott Sandelin va couler son équipe. C'est exactement ce qui est arrivé. Pauvre Spencer Knight qui a été tellement, tellement, tellement solide face aux Finlandais qui voit sa gang de pourris devant lui pas être capable de scorer un goal quand c'était pratiquement tous des joueurs qui dominaient au niveau universitaire, au niveau de la CHL. Pas être capable de... Tu sais, OK, le goaler finlandais a été bon, là, I get it, là, mais... Mais écoute, ça a été une déconfiture des Américains pour vrai, mais au final, la bonne nouvelle, c'est que le Canada a gagné, puis c'est ce qu'on dit. Ça fait quoi, 5 ans qu'on n'avait pas gagné? J'ai pas rapidement comme ça, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais dans ces coins-là, j'ai eu 3, 4 ans, 5 ans peut-être en tête. Je pense que la dernière fois, c'était à Montréal même. Well, un gros merci, on se reparle vendredi prochain pour la chronique de la Ligue de hockey Junior du Québec. Merci à toi, Dan. Notre ami Will qui nous parlait de la Ligue de hockey Junior du Québec.